dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. Dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. Dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. Dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. Dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. La plus vive ne réfléchit pas, au quart de tour il sort le flingue. Les chiens se frottent à la charogne pour des stories de dingue. Parachuté dans la zone, j'ai le vertige de la haine. Cette pute de république, négro je la haine. On le sait, t'as retenu toute la thèse pour retrouver ton corps inerte sur les bords de la Seine. Sacré bordel ingérable parce que ça vient d'Auberlinet contre la vitrine de chez le concessionnaire. La rue m'a pris que le malheur n'arrivait jamais seul. La mort violente n'accorde pas assez de temps à ceux qui en veulent. Viens bouillir dans ma vie stressante pour un billet. J'ai toujours cette envie pressante. Fais pas la fillette mais plutôt l'homme qui assume ses actes. Même avec les menottes serrées comme ton nœud de cravate. Fais pas le crevard qu'à l'écran. Gros, parce que nous on les a, y'a pas de lézard ici pas, rien n'arrive par hasard. Hey, une tristesse dont la cause est vraie depuis les piges. Faut l'appétit du pauvre pour jouir de la fortune du riche. C'est la fièvre de la raison, 93, plus rien à faire. C'est marche ou crève dans ma région. Les fonds des forêts sont des cimetières. Du pétrole dans les veines parce que mon cœur est une citerne. La rancœur, le fief de toute la cité. On s'enterre seul, qui se lève tard, perd sa journée. Parce que l'argent n'attend personne. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Le CPE et l'approche des présidentielles, ça me saoule. Le général face aux décideurs, on n'a rien à foutre. L'oppresseur a peur de nous. J'avoue que vous faites mine de pas m'entendre. Oui, je parle à vous. Tiré par une oreille, ce pays va m'entendre gueuler. Je protéine dans le verbe, j'ai des fourrailles. La vérité, trop de sales gueules abîmées. Peu de gens sur qui compter. Trop de bâtards à gifler. Personne ne veut du bien. On veut tous notre cité Carter sans la fin de carrière à Nino Brown. Ferme ta gueule, cousin, je sais de quoi je parle. Vagabond des banlieues chaudes, faut prendre la balle au bout. 93 boum, vendredi 13 secondes. Prise d'otage dans les banquettes, tu risques ta vie. Un grand T-Max à fond sur les trottoirs de Paris. On pourrait croire à une apologie de la violence, mais c'est juste un rapport logique à mon existence. Oh. J'ai fait seul de passer de l'enfer à la victoire. C'est une ville de fous pour une vie de barre. Tu sais pas qu'en plus de ça, y'a plus d'armes dans les caves. Moins de cash liqué dans les sacs derrière une muraille de brouillard. Ton pouvoir voyou c'est le miel sans jamais craindre les abeilles. Reste aux aguets parce qu'ici même nos meufs te balayent. Bras ballant en crête j'avance face à la vie. Gring gring c'est la police pour une visite à domicile. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto si tu rates 4 tu te fais fumer. Dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. Dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. Dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. Dans mon ghetto, si tu rates 4, tu te fais fumer. Dans mon ghetto, tu te fais fumer.